suelemba cuando la miel son dulces elemba we na na na abakuya abakuya abakuya cinema mama ni yenu mona ha go go cinema abakuya abakuya abakuya cinema mama ni yenu joba jo go go cinema C'est un yola dolo longo nena qui est no wamble mai. C'est un yola pesa mongo nena qui est no wamble mai. C'est un yola dolo longo nena qui est no wamble mai. C'est un yola mandasi mongo nena qui est no wamble mai. Sunday, you're not here.